Catalina. Que de l'attention, je pourrais te dire plus d'un million de fois, baby, ti amo. Le tour du monde, on fera Bali, Marrakech, Dubaï et puis Milano. La nuit sauf Paname comme de vrais gamins, je pars en showcase. Des fois, je suis pas là, des mucho calant, des mucho calant. De quoi t'as peur, n'aie pas de peine. Hey, et Miami, faut que tu saches, pourrais partir, criber de bas comme chaque jour. Tu seras toujours à l'aise comme une princesse dans son petit château. Chaku Cataleya, fais-moi des pas pour Cataleya. Chaku Cataleya, fais-moi des pas pour Cataleya. J'suis ton king, t'es ma princesse. J'suis ton king, t'es ma princesse. J'suis ton king, t'es ma princesse. Oh, j'suis ton king, t'es ma princesse. Tends-moi la main, ferme les yeux. Tout ce que tu veux, je te l'amène. T'es ma fillette et ma poteau. Tout ce que tu veux, je te l'amène. Catalina, Catalina, t'as le même sourire que la Inga. Catalina, Catalina, t'as le même sourire que la Inga. Et Miami, faut que tu le saches. J'pourrais partir, criber de bas comme Shakou. Tu seras toujours à l'aise comme une princesse dans son petit château. Shakou, Catalina. Papu Cataleya, Chaku Cataleya, Papu.